Les éditions de l'avenir présentent Catastrophe en retard, un texte de Sylvain Théun, lu par Patrick Labrec. Pierre savait qu'il serait en retard. Il claqua la porte de son casier après avoir saisi son cartable et fila dans le corridor. À un tournant, il heurta la directrice de plein fouet. Aïe! Ouch, sacré pan! Regarde où tu vas! Gêné, Pierre ne savait pas très bien comment réagir. Excusez-moi. Il bafouilla finalement quelques excuses et reprit sa course. Pourquoi lui arrivait-il toujours ce genre de pépin? Pierre se précipita sur la porte de la classe, l'ouvrit et faillit chuter dans le gouffre qui s'ouvrait de l'autre côté. Il se rattrapa de justesse au bouton de porte, mais son cartable tomba dans le néant. À la force du poignet, il se hissa sur le seuil de la porte, puis prit conscience de la perte de son cartable et se dit qu'il aurait mieux valu le suivre dans l'abîme. Assis, les pieds pendants, il fixa le vide au bord du désespoir. Avec sa malchance habituelle, il ne se tena même pas de l'avoir perdu. Il était trop choqué par la disparition de la classe. Qu'était-il advenu d'elle? Ou alors, c'était qu'il l'avait réussi? Son cartable était maintenant dans le futur ou le passé, contenant sa formule du voyage dans le temps, perdu à tout jamais. Que faire maintenant? Comment faire revenir la classe? Tout recommencer? Impossible. Comment pourrait-il se rappeler tous les détails de son invention? Abattu, il retourna à son casier d'un pas traînant. Ce nouveau coup du sort l'avait assommé. Il se sentait dépité, amorphe. Pourtant, il devait réagir. Quelle était la priorité? Faire interdire l'accès à la classe pour éviter des chutes? Fuir? Avertir la directrice? Appeler la police? Sûrement quelqu'un finirait par s'inquiéter de la disparition de tout un local avec son prof et ses étudiants. Devant son casier, Pierre commença machinalement à tripoter le cadenas. Il voulait récupérer son anorak avant de se rendre au pavillon voisin et avertir les autorités. En sortant son vêtement, il heurta quelque chose et découvrit un cartable empêtré dans l'anorak. Il ne comprit qu'ensuite seulement qu'il s'agissait de son cartable. Mais si le cartable était de retour, qu'en était-il de la classe? Tout était-il revenu à la normale? En ce cas, il ratait présentement un des cours les plus importants de la session, car cette fois, il était vraiment en retard. Pierre se lança à toute allure, ne heurta pas la directrice et atteignit la porte de la classe. Il l'ouvrit et manqua de tomber dans l'abîme qui s'ouvrait de l'autre côté. Il s'agrippa in extremis au bouton de porte, mais son cartable chuta dans le néant.